Nous allons parler maintenant de certains verbes au passé. Je vous ai dit il y a quelque temps qu'en italien, il y a des verbes pour lesquels on part d'un plongeoir qui est non pas avere, mais essere, c'est-à-dire le verbe être. Ça ne devrait pas vous poser de problème puisque c'est exactement pareil en français. Avec les verbes de mouvement, aller, venir, etc., on plonge à partir du verbe être. Je suis allé. Ils sont venus. De même, en italien, je suis allé, si c'est une femme qui parle, se dit sono andata. Sono andata. Tout à fait. Comment diriez-vous nous sommes allés, E-E-S, c'est-à-dire un groupe de femmes? Siamo andate. Oui, siamo andate pour un groupe de femmes. Et si c'est un groupe mixte, avec des hommes et des femmes, ou un groupe composé uniquement d'hommes? Siamo andati. Siamo andati. Nous sommes allés et S. Comment traduiriez-vous? Où es-tu allée, Carla? Dove sei andata, Carla? Dove sei andata, Carla? Oui, bien. Et maintenant, vous vous adressez à un groupe de filles et vous leur dites où êtes-vous allées? Dove siete andate? C'est ça. Dove siete andate? Dove siete, où êtes-vous? Andate, allez, E-E-S. Imaginez maintenant que vous vous adressez à un groupe de filles et de garçons et que vous leur posez la même question. Où êtes-vous allés? Dove siete andati? Dove siete andati? Bien. Comment diriez-vous nous sommes allés le voir si ce nous comprend des hommes et des femmes? Siamo andati vederlo. Attention, qu'est-ce qu'on met entre andare et le verbe qui le suit? Ah ouais. Siamo andati a vederlo. Voilà. Siamo andati a vederlo. Passons maintenant à un autre verbe. Comment diriez-vous il est parti? È partito. Bien. È partito. Oui, il est parti. C'est absolument parallèle dans les deux langues. Comment dit-on à quelle heure êtes-vous parti, monsieur? À che ora è partito, signore? Bien. À che ora è partito, signore? Et maintenant la même chose, mais en tutoyant votre interlocuteur. Dites à quelle heure es-tu parti, Carla? À che ora sei partite? Non. Partita, Carla? Voilà, c'est ça. À che ora sei partita, Carla? Comment dit-on nous sommes partis si nous désigne un groupe d'hommes? Siamo partiti. Siamo partiti. Bien. Et si nous ne désigne que des femmes, comment diriez-vous alors nous sommes partis? Siamo partite. Siamo partite. Absolument. Comment diriez-vous nous venons de partir? Pour traduire l'expression venir de, donc pour parler d'un événement très récent, on emploie en italien le mot appena, qui est très proche du mot français à peine, mais s'écrit en un seul mot. A-P-E-N-A. Donc nous venons de partir, en italien, c'est nous sommes à peine partis. Comment direz-vous ça si « nous » désigne un groupe mixte ou un groupe d'hommes uniquement? Siamo appena partiti. Très bien. Siamo appena partiti. Nous venons de partir. Sur le même modèle, comment diriez-vous? Il vient d'arriver. È appena arrivato. È appena arrivato. È appena arrivato. Nous sommes sortis. Comment dit-on ça? Rappelez-moi d'abord le verbe sortir en italien. Uscire. Uscire, c'est ça. Et donc, nous sommes sortis, s'il s'agit d'un groupe mixte ou d'un groupe d'hommes, sortis, is. Siamo usciti. Siamo usciti. Bien. Comment dit-on je sors? Esce. Quelle est la terminaison habituelle avec je? Es. Esco. Esco. D'accord. Puisque je sors, c'est esco. Ils sortent, se dira forcément. Escono. Escono. Oui. Par contre, si l'infinitif c'est uscire, vous saurez automatiquement comment dire vous sortez à la forme voi. Uscite. Oui, bien sûr. Uscite.